Vérité, les parfums de vérité n'ont pas de prix. Mais aujourd'hui, la surmédiatisation du malheur nous laisserait à penser qu'il n'y a pas de gens heureux. Aujourd'hui, les gens heureux, ils n'osent pas le dire. Ils ont peur d'être ingrats. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Ce sont des victoires sur la vie. Et c'est quoi le malheur? C'est nos défaites. Donc c'est ça qui me donne la force de faire les choses comme si j'étais éternel. La mort ne me fait pas peur et comme elle voit que je n'ai pas peur d'elle, on fait joujou. Je goûte au parfum de la vie peut-être de plus en plus. Je veux dire que là, j'ai 78 ans, je me suis jamais autant amusé sur un plateau. Je viens de faire un film, là, Chacun sa vie, que j'ai tourné pendant le mois de juillet. J'ai passé un mois de vacances formidable pendant que les autres faisaient chier à Saint-Tropez. Alors, Claude Lelouch, hier à Angoulême, pour la clôture du 9e festival du film francophone. On dit un mot du palmarès de la compétition? Oui, le Valois de Diamant remis au formidable film d'animation Ma vie de courgette qui a créé l'événement ici, comme il l'avait fait à Cannes au printemps, et on en reparlera sans doute, à mon avis, jusqu'aux Oscars. Et puis, à noter deux prix pour un formidable film québécois qui s'appelle Une 54 de Yann England, notamment le prix d'interprétation pour Antoine-Olivier Pilon. Rappelez-vous, c'est le jeune comédien qu'on avait découvert chez Xavier Dolan dans Momie, et ça aussi, on en reparlera au printemps quand ça sortira. Et ben voilà, merci beaucoup Stéphane. À demain à Paris. À demain avec grand plaisir à Paris. Une dernière petite pause dans ce Laissez-vous tenter et on retrouve Julien Courbet. Baron de l'Estac. Oh, avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah pardi, choisissez-moi. Baron de l'Estac, pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin? C'est Baron de l'Estac. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonne année scolaire avec Carrefour. Dis Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos... C'est des Bic. Voilà, et tes cahiers? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse deux fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24 par 32, grand carreau Clairefontaine, Bic Cristal assorti par 5. Carrefour. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis à Montluçon d'Oméra dans le magasin de Steven Bento. Alors, cette rentrée? Une rentrée sous le signe des économies avec ce matelas latex à 699 €. Fabrication française, 23 cm d'épaisseur pour 699 € seulement. Le meilleur du latex à prix exceptionnel, c'est jusqu'au 18 septembre. Maison de la Literie. Et le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 Allure. La berline compacte par excellence avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement. Une œuvre majeure à un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 Allure suréquipée est à partir de 249 € par mois. Avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebster.com. Maman, elle vient d'où l'électricité? Eh bien, l'électricité, elle est fabriquée dans une centrale et ensuite un petit fil l'amène jusqu'à chez nous. Mais elle vient d'où dans la centrale? Ben, d'un noyau, je crois, non? Chérie? Hein? Ouais, d'un noyau, ouais, c'est ça. Un noyau, c'est ça. Alors une centrale, c'est comme une grosse pêche. Allez, bonne nuit maintenant. Ah ouais, d'accord. Les 1er et 2 octobre, pour mieux comprendre l'électricité, venez visiter les sites de production EDF et participer à de nombreuses animations ludiques et gratuites. Les journées de l'industrie électrique EDF. Inscription et programme sur edf.fr/JIE. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Chers parents, soyez attentifs. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Des prix hallucinants sur une sélection de produits du petit-déjeuner et du goûter. Vous allez être premier de la classe en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 29 août au 11 septembre, conditions et magasins participants sur intermarché.com. RTL, première radio de France. 9h30, bientôt 31. Bonjour mon Julien. Elle démarre bien l'année. Allô? Oui, bonjour mon Yves, comment ça va? Je suis bien content de vous retrouver. Je suis tellement content de vous retrouver. Alors, ces vacances? C'était merveilleux. Ah bah écoutez, nous, on va vous raconter un petit peu, hein, si vous écoutez ce qu'on a tous fait. Oh, bah, rien d'extraordinaire, sauf Maître Felloneau qui a parcouru la France un petit peu à la, à la recherche d'un Pokémon très rare. Lequel? Zizitor. Zizitor. Et finalement, elle l'a pas trouvé? Fin août, elle en a capturé un, Zizitor, elle l'a gardé. Elle avait très très contente, un très rare. Oui, mais alors c'est un rouge, un jaune ou un bleu? Avec double évolution, il paraît celui-là. Même triplé, paraît ma soeur, elle a réussi à le faire triplé. Oh, elle est forte. Ah, elle est très très forte. Oui, Pokémon, elle est quasi imbattable. Bon, mais Maurice, je vous souhaite déjà alors un gros MERDE pour toute la rentrée radio et un énorme pour ce soir pour votre rentrée sur LCI où ça va être un vrai carton, j'espère. On sera là. Voilà. Bien sûr. Et moi, je vous écoute avec plaisir comme chaque jour. Et que la fête démarre. Bonne année à tous. C'est parti, mesdames et messieurs. Nous revoici donc pour la, c'est la 16e maintenant. 16e année, oh là là. Déjà, ça peut vous arriver. J'ai l'impression que c'était hier. Ils sont tous là. Maître Novakovic, Maître Fellono, Bernard Sabat, Hervé Pouchol. Toutes les équipes sont là pour vous aider. C'est RTL plus que jamais. Alors, mesdames et messieurs, hein, nous allons vous annoncer la couleur tout de suite. C'est une année d'élection, une année de primaire. On va nous gaver comme des oies de débat. On va retrouver les mêmes qui vont nous dire les mêmes choses. Donc, nous allons nous détendre, nous, pendant une heure et demie chaque matin. Ça sera ici, de 9h30 à 11h. Il n'y aura pas de blabla inutile. Il y aura un problème et on apporte la solution. Et on le fait en s'amusant. Et nous allons tout de suite mettre les pieds dans le plat avec l'histoire de l'été que nous raconte Émilien. Mon chien serait décédé lors d'un vol en avion, je n'en ai aucune preuve. La compagnie est incapable de me fournir un document officiel. J'ai même dû faire des pieds et des mains pour récupérer un vague récépissé où il est écrit « irrégularité de bagage ». Le chien a disparu. Avant d'attaquer cette histoire incroyable, on va vous remercier en vous offrant un iPhone. Pourquoi ? Car pendant l'été, au moment où nous partions en vacances, les sondages tombent et un record historique pour l'émission, puisque nous avons atteint la barre des 1 400 000 auditeurs à chaque instant. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Alors, 1 400 000, ça ne veut rien dire quand on donne le chiffre brut. Je vais être obligé de faire un peu le cabot et chiffre des concurrents pour que vous compreniez à quoi correspondent ces 1 400 000. Et pourtant, c'est pas dans mes habitudes. Je n'aime pas faire ça. Mais non. Mais là, on m'oblige à le faire. Donc, quand on est à 1 400 000, sachez que Europe 1 est à 727 000. Oh. Quand on est à 1 400 000, RMC est à 712 000. Oh. C'est-à-dire que nous faisons plus de le double de tous nos concurrents. Non, là, il va vraiment falloir assurer cette année. Merci beaucoup en tout cas. Alors, je vous fais gagner un iPhone 6S Plus d'une valeur de 860 euros. Il est, vous savez, c'est la plus grande taille. Il est plus grand en tout, apparemment, comme le Pokémon que vous avez trouvé cet été, Maître Fellono, dont vous nous donnerez le prénom tout à l'heure. Oui. Alors, pour je le cherche, gagner, je cherche bien. Qui est le créateur de la marque Apple ? Est-ce Steve Jobs, réponse 1, ou Steve McQueen, réponse 2 ? Vous faites 30 de 10. Il y a des choses qui ne changeront jamais dans la vie. C'est ce qui me donne envie de revenir chaque année. C'est ce genre de questions. J'adore. 32-10, tout de suite, choix numéro donc, 32-10, choix numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Et une fois que vous êtes sur le standard jeu, là, vous tapez 1 si vous voulez donner la bonne réponse. RTL 74-900, c'est pour jouer par SMS un iPhone 6S. Est-ce que le dénommé Émilien est parmi nous? Oui, bonjour. Bonjour, Émilien. Alors, Émilien, il est un peu tristouné, on le comprend. Nous qui adorons les animaux ici, vous le savez. Car, Émilien, 5 août dernier, alors c'est votre maman, hein, en fait, qui prend l'avion avec le toutou. Vous la rejoignez à l'escale, on est d'accord ? Exactement. Et à l'escale, quand vous arrivez et que vous retrouvez votre mère, vous dites, je vais prendre des nouvelles du chien qui voyage en soute. Et vous demandez des nouvelles, et là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, ma première préoccupation, donc, ça a été de demander des nouvelles de mon chien. Donc personne n'a été capable de me répondre et on me dit que la compagnie se chargeait eux-mêmes du transfert de mon animal. C'est-à-dire ils vous disent ne vous occupez pas du chien, prenez donc parce que vous preniez un deuxième vol avec votre maman, le chien suivait, nous on s'occupe de mettre le chien dans l'autre avion, tout va bien, installez-vous. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors ce qui se passe donc c'est que je m'enregistre pour le second vol avec ma maman. Je me dirige vers la salle d'embarquement et là, ils m'appellent au micro, moi et ma maman, pour me dire que mon chien était décédé. D'accord. Et vous demandez des explications, qu'est-ce qu'on vous donne ? Alors, je demande des explications, je suis dirigé vers le personnel de la compagnie aérienne et on me dit que... Donc, ma première interrogation, c'est où est mon chien ? Je voulais absolument voir mon chien. Et on me dit, on ne peut pas vous le montrer, il sera incinéré par nos soins Dépêchez-vous de prendre votre avion et de prendre votre correspondance. Aujourd'hui, si vous êtes sur l'antenne d'RTL Émilien, c'est parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. On vous dit simplement, alors je vous passe les courriers comme quoi c'est un objet perdu, puisque c'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez reçu. Mais vous, aujourd'hui, vous vous demandez, et vous avez raison de vous demander, si quelqu'un n'aurait pas pu piquer ce chien. Quand je dis piquer, c'est le voler, bien sûr. Ou alors, s'il est décédé, il est décédé de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été bien traité, mal traité? Alors, les deux avocates vont prendre la parole, elles connaissent bien l'histoire. Après, on verra le volet indemnisation. Puis on va lancer les appels. Et là, Bernard Sabat, vous, en tant que spécialiste de voyage, vous allez pouvoir peut-être nous expliquer ce qui se passe dans ces cas-là. Exactement. Auparavant, nous avons comment essayer d'appeler un petit peu. Sarah, vous avez appelé la compagnie. Oui, effectivement, j'ai téléphoné à la compagnie et là, j'ai eu la sensation d'être une patate chaude. Pourquoi? Parce qu'on me passait de service en service. Je voulais juste savoir ce qu'il y avait dans le dossier. Écoutez. Alors, avant d'écouter, je tiens à préciser aux auditeurs que, certes, vous êtes chaude, mais en aucun cas, on ne vous a jamais considéré comme une patate. On écoute. Non. Elle a quel problème sur le vol, madame? Elle a posé une réclamation auprès de la compagnie, par email. Responsable est toujours occupé, je veux passer à notre agence pour vérifier l'état de votre réclamation. Il n'y a aucun personne, madame, qui va répondre à votre question, à notre niveau. Parce qu'à la madame, il faut juste renouveler la demande. Est-ce que votre chien est mort ou bien vous avez perdu le chien? Je veux avoir le numéro de votre requête et votre numéro de téléphone et un service qui va vous contacter pour donner suite à votre réclamation. Je vais remonter l'information à mon manager et c'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va vous faire le nécessaire, qui va vous contacter pour donner suite dans la journée, madame. Mais rassurez-vous, ils vont faire le nécessaire. Alors, Sarah? C'était mercredi, on ne m'a pas rappelé. J'ai attendu vendredi, je les ai relancés et écouté la conclusion. Le traitement, madame, si ça prend du temps, c'est pour ça, je crois, qu'ils ne vont pas rappeler aujourd'hui. J'ai pas entendu. On m'explique simplement que je ne saurais jamais rappeler et que ça prend énormément de temps. Donc vous avez eu une réponse. Vous dites que vous n'avez pas eu de réponse. Là, ils vous en ont donné une. On ne vous rappellera pas. Maître Felloneau. Alors, il y a eu une réponse, Julien, qui est une réponse écrite, qui n'est même pas sur un papier en tête, c'est un mail, et qui dit la chose suivante. Malheureusement, le chien, Gabi, a souffert d'une asphyxie durant le vol et a succombé, tel que l'attestent les documents signés par les autorités compétentes en la matière, à l'arrivée du vol en provenance d'Orly. Voilà. Et le chien a dû être inhumé. Donc, Maître Novakovic, s'il a été asphyxié, déjà, est-ce qu'on est en droit de demander à la compagnie un certificat vétérinaire? Parce que là, on ne le voit pas, c'est ce qu'ils disent. Et d'autre part, il y a peut-être quelqu'un, vous savez, aurait très bien pu mettre une bâche, n'importe quoi sur la cage et le chien s'est étouffé comme ça. Complètement, Julien, là, ils sont obligés de justifier, malheureusement, de cette disparition, sachant que chacun, l'article 1384 alinéa 1 du Code civil le prévoit, chacun est responsable des choses dont on a la garde. Il s'avère que là, ils avaient la garde de ce chien et malheureusement, on peut parler aujourd'hui d'être vivant même, c'est même plus une chose, mais le chapitre relatif au bien s'applique encore malheureusement. Bien. Donc, ils sont responsables. Emilia, nous allons tout faire pour vous aider. Ce que vous voulez, c'est la vérité, Emilia. Exactement, oui. Alors, nous allons les appeler. Ça ne sera pas facile. Bernard Sabat poussera un coup de gueule parce que là, quand même, quand on confie un chien à une compagnie, Bernard, on peut espérer savoir ce qui s'est passé. Moi, je ne comprends pas justement l'attitude de la compagnie aérienne. C'est l'une des meilleures compagnies aériennes d'Afrique du Nord. On traite, en l'occurrence, un animal comme un bien, comme le veut la partie juridique. C'est inadmissible. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, vous allez assister à toutes les négociations en direct et ça sera ainsi tout au long de l'année. Nous appelons et vous écoutez tout ce qui se passe. Rien n'est caché. Ce que vous vivez, nous le vivons. Mais nous nous battons avec toute l'équipe pour que les cas soient résolus. Vous avez choisi d'écouter le 9h30, 11h d'RTL. Soyez les bienvenus. Nous sommes repartis pour une saison. Bonne rentrée à tous et à tout de suite pour l'appel. Ah, ça y est, c'est le grand jour. La chasse est enfin ouverte. Mais il me manque l'essentiel, le chasseur français. Ce mois-ci, dans le chasseur français, grand numéro spécial sur l'ouverture de la chasse et une enquête sur les lieux où trouver de l'or en France. Et pour 3,80€ en plus de votre magazine, une lampe torche. Le chasseur français, c'est aussi la pêche, le jardin, la nature. Le chasseur français, la vie grandeur nature. Top, c'est parti. Bernard, il faut 3 minutes pour cuire un œuf à la coque. Combien de temps faut-il pour en faire cuire 2? 6 minutes. Oula, je vois qu'on fait pas souvent la cuisine, Bernard. C'est faux. Le seul véritable moyen de gagner à tous les coups, c'est de commander et faire monter ses pneus sur allopneu.com. Chez allopneu.com, tous nos centres de montage sont certifiés. Et il y en a forcément un, à moins de 5 km de chez vous. Jusqu'au 20 septembre seulement, achetez des pneus Bridgestone et recevez un bon d'achat jusqu'à 50€ chez showroomprivé.com. Vive la rentrée avec Bridgestone. Conditions sur allopneu.com. Allopneu.com. Vente et montage de pneus. Maman, tu sais, j'ai une amie dont la mère commence à avoir des soucis de santé. Elle perd son autonomie et financièrement, c'est pas simple. Moi, je sais pas comment je ferais. Où veux-tu en venir? Nulle part. Mais moi, ça peut pas m'arriver. Hmm? T'inquiète pas, ma chérie. J'ai souscrit une garantie dépendance chez Harmonie Mutuelle. Oh, tu penses à tout, maman. Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie dépendance vous permet de ne pas être financièrement à la charge de vos proches en cas de perte d'autonomie. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Les appels vont donc démarrer. Émilien veut savoir ce qu'est devenu son chien qui a voyagé dans la soute d'une grande compagnie et à l'escale on lui dit votre chien est décédé et ensuite il n'arrive pas à savoir où est le chien, comment est-il décédé. On lui dit qu'il y aurait peut-être un certificat qui dirait que celui-ci aurait été étouffé mais il ne l'a jamais vu. Bernard Sabat, nous appelons ensemble, nous commençons par quoi ? Par la grande compagnie directement ? Ah oui, je pense que le plus simple c'est d'appeler le numéro café évidemment Sarah et puis avoir des explications éventuellement un responsable. Tout simplement un véritable responsable qui dirige cette compagnie. Alors c'est parti, nous appelons. Vous savez que nous ne laissons pas les musiques d'attente. Bonjour. Pendant des heures. Et dès que quelqu'un répond, c'est la petite alerte. Nous ne l'avons pas changée. Elle nous a donné satisfaction l'année dernière. Elle peut encore faire un an. On ne va pas jeter bêtement de l'argent pour une nouvelle alerte. Il n'y a pas de petites économies. Non, celle-là, elle peut tenir encore. Regardez, vous-même, vous tenez depuis 15 ans. Je ne vois pas pourquoi je changerai l'alerte. Au bout d'un an. Vous-même également. Mais bien sûr. Est-ce que ça peut être très long, Sarah, vous qui avez l'habitude d'appeler Royal Air Maroc ? Extrêmement long, Julien. Ah. J'attendais entre 5, 10 minutes, un quart d'heure, c'était affolant. Bien, alors, il est 42. On laisse tourner non-stop. On va envoyer, bien sûr, le deuxième cas dans une seconde. Bernard Sabat, je récupère l'appel ? Ah, attendez. Écoutez, ça peut être pas mal, ça. Deuxième sonnerie. Oui, bonjour Royal Air Maroc. Oui, voilà. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Je vous appelle car je suis en train d'essayer d'aider un monsieur un petit peu désespéré. Son chien a voyagé avec Royal Air Maroc et à l'escale on lui annonçait que le chien était mort, mais il n'arrive pas à avoir le certificat vétérinaire puisqu'il n'a plus jamais revu son chien. On lui aurait dit que celui-ci aurait été étouffé, etc. Ce serait étouffé. Est-ce que je peux avoir un responsable, s'il vous plaît, pour savoir comment avancer dans ce dossier ? D'accord, juste un moment s'il vous plaît. Je vous en prie monsieur. Voilà, donc c'est la première patate chaude de la saison, il faut toujours la célébrer, car il l'a fait avec le sourire. Et j'apprécie, ce monsieur a dit, ne quittez pas monsieur Courbet, il a raccroché, enfin il n'a pas raccroché, il a mis la musique et là il s'est tourné vers ses collaborateurs qui ne savent pas ce qui s'est passé, il les a prévenus de manière vraiment très succincte. Oh putain, il a coupé ça ! Ça recommence ! Non, nous sommes en phase dont ça recommence. Dès le premier jour de reprise, ils étaient tous là, tranquilles, à se raconter leurs histoires. Et toi, tu étais où en vacances ? Mais Courbet, il appellera pas avant octobre-novembre. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, tiens, 9h43. Je suis désolé, j'aime pas embêter les gens, mais il faut bien qu'on avance. Bernard, vous avez récupéré l'appel. Je l'ai récupéré. Le deuxième cas arrive dans une seconde. C'est un cas express. Je vous attends au 32-10, bien sûr. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. When we move, well, Le titre de l'été est sur RTL, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Il est 9h46, le premier cas est toujours en attente avec le chien disparu lors de l'escale. Où en est-on s'il vous plaît Bernard Sabat? Plus de 4 minutes d'attente Julien, toujours la musique redondante. Pour l'instant je n'ai personne. Eh bien nous attendons alerte dès que quelqu'un répond. Un cas express, il y en aura régulièrement à n'importe quel moment, chaque jour, pendant l'émission. Vous appelez le 3210, c'est comme ça, d'un coup de cuillère à pas, vous vous retrouvez sur l'antenne. C'est le cas de Stéphane. Stéphane, bonjour. Stéphane, bonjour. Allô, bonjour. Oh, allô, bonjour. Comment ça va, Stéphane? Ça va bien, merci. Région bordelaise? Oui, tout à fait. Et vous avez vendu en avril votre véhicule à un garage du côté de Limoges, tenu d'ailleurs par un ami de longue date. Ça démarre toujours très mal, les histoires, quand il s'agit d'un ami de longue date. Vous allez voir que la date, elle va vite s'arrêter. C'est plus du tout un ami, à mon avis. Lequel a fait l'intermédiaire entre lui et moi? Alors attendez, j'essaie de comprendre. Racontez-moi, vous avez été voir un ami qui a un garage? Non, en fait, c'est un ami de mon papa. Ah. Voilà, donc c'est un ami de mon papa. Mon papa fait l'intermédiaire entre cet ami et moi pour vendre mon véhicule sur Limoges, puisque je n'y suis plus maintenant que j'habite Bordeaux depuis l'année dernière. D'accord, donc vous lui avez remis la voiture, il vous a remis un chèque, lui? On lui a laissé la voiture en dépôt-vente, il a vendu au mois d'avril, et ensuite mon père a mis un petit peu de temps à récupérer le chèque, mais il a fini par récupérer le chèque. Un chèque de 7 200 € qui visiblement était en bois? Exactement, un chèque sans provision. Bon, votre papa, entre-temps, est décédé d'une longue maladie. Vous avez rencontré le fameux ami garagiste, qui était d'ailleurs, c'est un détail un peu glauque, mais qui a quand même son importance, qui était quand même aux obsèques, et qui a demandé du temps pour trouver une solution. C'est ce que vous mettez sur votre fiche, sans aucune nouvelle depuis, et vous essayez de trouver une solution amiable, et je suppose, Stéphane, que vous avez besoin de cette liquidité, peut-être pour acheter une autre voiture. Alors, j'ai une autre voiture, mais j'ai quand même besoin des 7 200 euros, justement, suite au décès de mon papa, etc. Enfin bon, 7 200 euros, c'est toujours utile. Bien sûr, Michel, nous allons nous occuper de votre cas, mais priorité au direct, car nous sommes en direct, et Bernard Sabat a peut-être du nouveau sur l'histoire du chien et de la Royal Air Maroc. Oui, avec Emilien, malheureusement, donc je n'ai pas pu avoir quelqu'un immédiatement, et au bout de 5 minutes 50, un monsieur m'a appelé et m'a donné donc un numéro de téléphone pour appeler la France. On a un numéro direct, a priori. Eh bien, c'est parti, faites-le, on avance un petit peu quand même avec la voiture. Donc, une petite pause et je vous retrouve, Michel. Nous allons appeler le garage. Il y aura l'analyse de Maître Noakovitch, puisque là, il s'agit d'un professionnel. On va voir si ça change quelque chose. Il est toujours en activité. Ah bah, à ma connaissance, oui. En tout cas, avant le mois d'août, il était toujours en activité. Bon, alors, l'appel se prépare. Attention, c'est dans une seconde sur l'antenne d'RTL, 10h-10. Bonne rentrée à tous sur le 9h30, 11h que vous écoutez. C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, mais qu'est-ce que vous avez à sauter comme ça? Vous essayez de vous envoler? Je m'entraîne, Michel, je vais être prêt pour la super rentrée. Le 1er septembre, les super-héros Marvel débarquent chez Carrefour Market avec des figurines exclusives à collectionner. Des super-héros comme Spider-Man? Oui, et aussi Iron Man, Captain America et plein d'autres. Et en plus, vous pourrez profiter de promos extraordinaires et de surprises incroyables. Je suis super impatiente. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Avec Télé 7 jours, The Beatles. Retrouvez réunis pour la première fois dans une collection inédite. Tous leurs albums originaux, entièrement remasterisés, dans une superbe édition de luxe. The Beatles, la collection événement. Cette semaine, le CD numéro 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 9,90€ seulement avec Télé 7 jours. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon, la fin de chantier dans 10 jours. Il reste quoi à faire? Il faut couler la dalle, monter les murs, poser les planchers et faire les enduits. Ok, alors on se dépêche. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Master est à 199€ par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Crédit Bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour Master Fourgon. Sous conditions de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. Le 9h30, 11h sur RTL, l'émission la plus écoutée de France. Nous appelons directement le garage. Peut-être un mot, Maître Novakovic. Oui, Julien. Alors, je rappelle à tous les auditeurs également, à notre auditeur, que bien entendu, à partir du moment où il y a un chèque impayé, vous pouvez demander à la banque un certificat de non-paiement. Grâce à ce certificat et au chèque impayé, vous bénéficiez alors d'un titre, c'est-à-dire d'un jugement. Ça vaut jugement, en fait. Ça vaut titre. Vous pouvez exécuter par voie d'huissier. Et alors, fort de ce titre, vous l'exécutez. Et si vous ne parvenez pas à l'exécuter, vous pouvez alors demander le redressement ou la liquidation de la société qui aujourd'hui n'est toujours pas redressée. Et en le demandant, on peut obtenir effectivement le paiement très rapidement. Mais si on la laisse parler, ça finit, je vous assure, par une pendaison. Vous savez, ça démarre doucement en général. Vous pouvez demander la restitution du chèque. Et si vraiment il ne le fait pas dans ces cas-là, vous irez voir le machin. Qui ira voir le machin? Vous dites vos manteaux et à la fin, c'est... Et là, 9 bourreaux pourront décapiter cet homme et ses entrailles seront jetées sur la place publique. Attendez, ce n'est qu'un impayé. Nous allons juste discuter avec cette personne pour lui demander de faire un petit échéancier. C'est parti, nous appelons, s'il vous plaît. On est là pour donner des solutions. Mais bien sûr. Et c'est Hervé Pouchol qui va s'occuper de ce cas. Et comme c'est occupé, on savait que c'était lui qui s'en occupait. Car... On est au deuxième numéro. Ah, alors, deuxième chance. Il n'a pas de chance. Depuis qu'il va dans des piscines où il voit des artistes, ce n'est plus le même. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Il a trouvé apparemment le spot à Paris quand on ne peut pas s'en aller. Il a trouvé une piscine où on se met sur un transat et on voit plein de vedettes s'allonger. Il m'a envoyé des petits textos en me disant tiens, regarde. Le long de la Seine ? Non, je ne peux pas dire, c'est secret. Allô ? Allô ? Oui, je suis bien chez le garage Didier Mas ? Non, monsieur. Ah non. Ah bon ? Et pourtant, c'est le numéro que j'avais. Je suis désolé, je me suis trompé alors. Je vous entends très mal, madame. Là, c'est elle a coupé. Est très très loin. Elle a coupé, oui. Mais de toute façon, elle n'aurait pas coupé, on s'en serait pas aperçu parce qu'on n'entendait rien. Donc, on refait ce deuxième numéro. Ça vous dit quelque chose, là, Michel, le numéro que l'on a fait ? Enfin, la voix de cette dame ou c'est, on s'est vraiment trompé ? Ça marche très fort ce matin, les enfants. Est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe, s'il vous plaît ? Il est 9h53, c'est le 9h30, 11h. C'est le bon numéro, Julien, mais a priori, il bloque. Donc, on va voir. Vous allez vivre en direct. Donc ça serait le bon. SFR, bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez le rappeler ultérieurement. Vous pouvez aussi lui envoyer un texto. Welcome to the SFR network. Your correspondent is not reachable. Please try again later or send him an SMS. Le SFR network, il le disait avant. Ça marche bien en tout cas. Ils sont difficiles à joindre. Oui. Donc, monsieur Mas Didier, vous avez un garage et je vous félicite, c'est une très belle activité. Vous seriez à Limoges, vous seriez rue de Toulouse. Alors, monsieur, on vous appelle tout simplement parce que Stéphane Grenier vous a confié une voiture que vous avez achetée, mais le chèque serait en bois. Alors, est-ce que vous pourriez simplement, il veut un arrangement, rien de plus, peut-être même un échéancier, avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir répondre quand on vous appelle, car apparemment, on fait le bon numéro, et puis tout d'un coup, tout a bloqué. Hervé Pouchol ? J'ai essayé avec mon portable, et j'ai pas une très très bonne nouvelle. Dites-moi. Parce que ça fait pip, pip, pip, pip, pip. Vous savez, quand vous appelez normalement, ça va sonner. Vous avez appelé les marchands de Canaries qui sont sur les quais de Seine, et vous vous êtes trompé. Garage Didier Mas, je vous assure, quand vous appelez, je pense que la ligne est suspendue. Enfin, d'après moi. Bien. Alors, comme la lumière. Comme la lumière à l'instant qui vient de s'éteindre dans le studio. Est-ce qu'il faudrait, Michel, que vous puissiez nous dire s'il est toujours en activité ? Parce que peut-être a-t-il fermé son activité, auquel cas, les solutions ne sont plus du tout les mêmes. Ça, vous n'en savez rien, Michel ? Stéphane, pardon. Pardon, Julien, c'est moi que vous appelez Michel. Oui, non, c'est Stéphane. Oui, c'est Stéphane. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais... Alors, vous savez quoi ? Comme ça depuis 15 ans. Ouais. Dites-moi. Alors, j'ai cherché, a priori, le garage. Moi, j'y suis passé au mois de juillet. Il était en activité. Il y avait les ouvriers au travail, des véhicules. Bon, après, j'y suis pas repassé depuis, mais j'ai cherché sur Internet. J'ai rien vu qui disait qu'il avait cessé son activité. Alors, ce que nous allons faire, c'est demander à un auditeur qui aurait l'extrême gentillesse, là aussi, du côté de Limoges. Peut-être êtes-vous dans le quartier. Pouvez-vous jeter un petit coup d'œil, nous dire si le garage est toujours en activité? Vous, peut-être, Hervé, pouvez-vous demander aux voisins? Oui. Vous êtes le spécialiste des voisins. Sinon, on peut appeler Bernardo. Qui est Bernardo? De Limoges. Effectivement. Limoges ancien. Oui, alors, il est en forme, lui. En forme, je ne sais pas si c'est le mot, Maître Novakovic, il parle en tout cas. Limoges, donc c'est rue de Toulouse, au 96, si vous pouviez nous dire si ce garage est ouvert. L'année va être très longue, je vous le dis. Parce que si vous pouviez prendre la place d'Hervé Pouchol, ce serait quand même formidable et une très bonne nouvelle. Michel, ne vous inquiétez pas, pourquoi j'ai Michel ? Oh là là. Stéphane, laissez-moi avancer et je vous tiens au courant. Sur Royal Air Maroc, nous aurons également du nouveau. Je voudrais revenir sur l'iPhone pour vous féliciter, vous remercier de votre fidélité. Nous vous offrons un superbe iPhone 6S, car vous êtes, et c'est le nouveau record de l'émission, 1 400 000 à chaque instant, plus du double de nos concurrents. C'est fantastique. Et tant mieux, parce que ça nous donne de la force pour régler vos cas. Il vaut 860 €. 3210, touche numéro 2. Ensuite, vous faites la touche numéro 1 pour donner la bonne réponse. Ou SMS RTL au 74 900. À tout de suite. Aviva s'adresse à vous. Vous, pour qui les pauses déjeuner ne ressemblent ni à des pauses, ni à des déjeuners. Pour qui le week-end rappelle de plus en plus le reste de la semaine. Vous, les passionnés, que l'on n'attendra pas ce soir et qui n'aurez pas vu ce truc dont on vous parlera demain. Vous qui passez votre temps à courir et qui courez toujours après le temps. Vous, les chefs d'entreprise. Parce que chaque activité est différente, Aviva agit pour vous trouver la solution d'assurance qui vous correspond le mieux. Votre agent général Aviva est à votre disposition pour répondre à vos besoins. Aviva, la bonne idée. Le footballeur Antoine Griezmann et le rugbyman Fabien Galthié. Ah, salut Antoine. Alors cette reprise, ça va? Pas trop fatigué? Tu rigoles, je suis au taquet. Ah bon? Pourtant, entre l'Espagne et l'Euro, t'as pas trop eu le temps de souffler cet été. Oui, mais tu sais ce que c'est. Une rentrée des clubs, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah, c'est beau la jeunesse. La rentrée des clubs chez Sport 2000, ça match. Par exemple, jusqu'au 25 septembre, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95 €. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h, il est 9h57 et nous allons faire un petit point info sur ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Incroyable histoire de chien au démarrage. Mon chien serait décédé lors d'un vol en avion, je n'en ai aucune preuve. La compagnie est incapable de me fournir un document officiel. J'ai même dû faire des pieds et des mains pour récupérer un vague récépissé où il est écrit « irrégularité de bagage ». Bernard, nous avons appelé la compagnie qui vous a donné un deuxième numéro. Je suis fou de rage, Julien, parce qu'on est en train de me balader. On m'a donné un numéro français. J'ai appelé, je reviens sur la plateforme au Maroc à Casablanca. On me redonne un autre numéro. Je rappelle et je reviens sur une dame qui me dit « Il n'y a pas de superviseur, personne ne peut vous parler ». Je trouve ça vraiment lamentable. Voilà. Il nous reste une heure d'émission. Êtes-vous prêt à partir tout de suite au siège? Ah ben, c'est pas que je suis prêt. Je monte dans un taxi et j'y vais de suite. Alors attendez, j'ai jamais dit que vous preniez un taxi. Je vous ai dit, qu'il fallait aller là-bas. Alors là, monsieur Courbet, ça change tout. Ça change tout. L'autre tout de suite, ah ben oui, je prends un taxi. Vous croyez où, Bernard Sabat? Ah, pardon. Les choses ont bien changé sur la télé. Je vais y aller quand même. Hein, vous mettez le pouce vers le haut et après vous le basculez comme ceci et des voitures s'arrêteront peut-être pour vous prendre. On appelle le stop. Allez. Non, très bien. C'est parti, mesdames et messieurs, pour vous, nous sommes prêts à faire n'importe quoi. Il part tout de suite au siège. Ça se fait dans la bonne humeur, mais c'est efficace. Il va tenter d'avoir une explication pour ce monsieur qui veut en savoir plus sur son chien. Deuxième cas traité, la voiture, c'est un appel express il y a quelques instants. Les numéros ne répondent pas, Hervé. On essaie de faire une petite enquête pour voir. Ça, voilà, c'est un appel qui est arrivé spontanément. J'essaye de trouver des commerçants qui habitent route de Toulouse à Limoges et qui seraient près de ce garage. On va savoir enfin s'il est ouvert ou fermé. Dans une seconde, Christelle arrive et enfin, premier cas de lave-vaisselle sur l'antenne d'RTL. Ça vous plaît, ça ? J'adore. Ah, vous êtes content ? Celui qui a inventé le lave-vaisselle est mon meilleur ami. En mars dernier, on a commandé un lave-vaisselle. On l'a payé 419 €. On nous vantait une livraison sous 15 jours. Il n'est jamais arrivé. Et maintenant, c'est le remboursement qui n'arrive pas non plus. Christelle est en ligne avec nous. Christelle, bonjour. Ah, elle n'est pas encore là, Christelle. On est en train d'essayer de la rappeler. On va la voir dans une seconde. Allez, on va se retrouver sur RTL pour traiter ce problème. Sachez que chaque jour, sachez-le, dès 9h30, appelez, puisque nous prenons des cas spontanés. Mais nous allons aussi tout à l'heure faire le point sur les cas du mois de juin et du mois de mai. On ne lâche rien et chaque jour, nous vous donnerons des nouvelles du cas de la veille et même de l'avant-veille et des années précédentes. Tant qu'un cas n'a pas été réglé, nous continuerons. Vous avez choisi le 9h30, 11h d'RTL. Nous sommes repartis pour une nouvelle saison, la 16e. Et nous sommes ravis et fiers d'être auprès de vous sur RTL. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les producteurs de lait se préparent à mener aujourd'hui des actions contre le groupe Lactalis. Les syndicats promettent une forte mobilisation. Le mot d'ordre est national et plus seulement à Laval où se trouve le siège du groupe laitier. Les syndicats FNSEA, FNPL et JA réclament une augmentation significative du prix du lait. Ils estiment que pour l'instant, les propositions de Lactalis sont dérisoires. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, organise aujourd'hui une journée de consultation sur l'islam de France. Il va recevoir les responsables musulmans, des personnalités de la société civile et des parlementaires pour mettre sur pied la future fondation pour l'islam de France. Le ministre de l'Intérieur, dans une interview au journal La Croix, déclare qu'une loi pour interdire le burkini serait contraire à la Constitution. Nicolas Sarkozy, qui était ce matin l'invité de RTL, lui répond qu'il faut alors changer la Constitution. L'ancien président, candidat à la primaire de droite pour la présidentielle, répète qu'il souhaite une loi, lui, pour interdire le port du burkini sur les plages et dans les piscines. Nicolas Sarkozy estime que ce vêtement est une provocation de l'islam politique et qu'on ne peut pas laisser les maires seuls face à cette situation. Par ailleurs, interrogé par un auditeur de RTL, Nicolas Sarkozy a assuré qu'en cas de défaite à la primaire de droite, il ne se présentera pas seul, mais respectera la règle et fera partie du rassemblement derrière le candidat vainqueur. Le Premier ministre Manuel Valls et plusieurs ministres vont tenir ce soir à Colomiers, près de Toulouse, un meeting de rentrée. Les syndicats ont prévu un contre-rassemblement en fin d'après-midi devant la mairie de Toulouse, nous indique Patrick Tégéreau, le correspondant d'RTL dans la région. À la gare de Strasbourg, un homme a tenté d'arracher le fusil FAMAS des mains d'un des soldats de l'opération Sentinelle. Le militaire a résisté et a réussi à repousser l'homme, à le projeter au sol. Cet homme s'est éloigné ensuite, mais il a été interpellé peu après par la police. Il s'agit d'un Polonais de 36 ans, inconnu des services policiers. Il aurait expliqué qu'il cherchait une arme pour mettre fin à ses jours. Ça s'est passé vendredi soir et l'homme est jugé dès aujourd'hui, nous indique Yannick Holland à Strasbourg pour RTL. Les footballeurs de l'équipe de France se retrouve aujourd'hui à Clairefontaine pour la première fois depuis la finale perdue de l'Euro. Les Bleus doivent préparer leur match amical contre l'Italie vendredi prochain et puis la semaine prochaine, ils affronteront le Bélarus dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. La Bourse de Paris a ouvert en baisse ce matin de 0,46%. La tendance reste à la baisse à l'heure qu'il est. Le CAC 40 tourne autour de 4 427 points. La météo, les températures baissent et des nuages encombrent le ciel essentiellement sur la moitié ouest du pays avec même des petites averses, des frontières du nord jusqu'aux Pyrénées. Sauf en Bretagne, là à l'ouest, il fait beau et vous aurez aussi du soleil toute la journée sur la moitié est. On attend 20 degrés au Havre, 21 à Brest et Cherbourg, 23 à Lille, 24 à Paris et Toulouse, 25 à Rennes, à Lyon, à Bordeaux, 29 à Perpignan, 33 à Marseille et 34 à Nîmes. Les courses à Vincennes cet après-midi, les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 15, le 16, le 14, le 11, le 6, le 4, le 10 et le 7. La dernière minute de Bernard, c'est le 10, Ulysse de Fontaine. Il est 10h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL en ce lundi matin de rentrée avec bien sûr Julien Courbet. Merci beaucoup et on se retrouve avec beaucoup de plaisir tout à l'heure à partir de 11h, la rentrée de votre émission, le 9h30-11h avec bien sûr vos avocates qui sont là, plus belles et plus en forme que jamais. La grande Maître Novakovic est là, il y a Maître Felono, il y a nos deux négociateurs, Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Et d'ailleurs, Bernard Sabat, le pauvre, hein, à peine le premier jour de rentrée, on l'envoie faire un duplex qui n'était pas prévu. Bernard, êtes-vous déjà motorisé pour arriver au siège de la compagnie aérienne ? Oui, Julien, il pleut, donc j'ai été obligé de prendre un taxi malgré votre interdiction. Tant pis, je prendrai ça sur mon budget. Voilà, je suis avec Yazid et on est à peu près près de la Grande Roue à Place de Concorde, de la Concorde, donc je pense qu'on est là dans 10 minutes. Ça marche, vous nous faites une alerte dès que vous êtes sur place. Nous attendons également des nouvelles, soit des auditeurs, soit de l'enquête d'Hervé Pouchol pour le garage qui n'a pas payé la voiture de Stéphane. Nous en saurons plus dans une seconde et je vous ai promis que nous vous tiendrions au courant de tout ce qui s'est passé au mois de juin. C'est le journal radio. Dans le 9h30-11h sur RTL, on ne lâche pas les cas qui ne sont pas réglés. C'est le journal radio. Alors peut-être que vous vous rappelez de Myriam qui est passée à plusieurs reprises avant les vacances. C'est l'une des belles histoires de la saison. Je rappelle l'histoire, Myriam achète une maison le 6 août 2015. C'est le rêve de sa vie. Avec son fils de 7 ans, elle fait faire les travaux de rénovation par un artisan, mari d'une amie. Le total des travaux s'élève à 18 000 euros. plus des rallonges de 1200 ans. Et il y a des malfaçons, la maison est inhabitable. Elle ne peut vraiment, mais on a vu les photos, ceux qui ont suivi ça, c'est un taudis, on ne peut pas y habiter. On a lancé un mouvement de solidarité, mais c'est juste extraordinaire tout ce qui s'est passé, Sarah. Oui, ça a énormément avancé, Julien. Je tiens vraiment à remercier tout le monde. On a encore besoin d'eux, je m'explique. Alors pendant l'été, évidemment, il y a eu les congés d'été. Tous ces bénévoles, ces hommes au grand cœur et ces femmes au grand cœur sont aussi partis en vacances, ils l'ont bien mérité. Je peux vous annoncer officiellement que le premier étage est terminé, Julien. C'est énorme. Maintenant, il manque le rez-de-chaussée. Aujourd'hui, nous allons recevoir les fenêtres, ce qui va bien avancer. Nous attendons aussi le plaquiste. Et normalement, d'ici allez, 15 jours, je pense que le chantier arrivera enfin vers sa finalité. Et c'est super. Merci et bravo à tous. On va parler rapidement également de Catherine. Catherine qui avait perdu son fils de 33 ans après un accident le 28 septembre 2014. Il avait pris une assurance vie qui couvrait les accidents de la vie privée, dont Catherine est la seule bénéficiaire. Elle a commencé les démarches auprès de l'assurance le 10 octobre 2014. Elle a fourni des dizaines de documents. Presque 2 ans plus tard, l'assurance continue à chercher la petite bête. Il manquait toujours quelque chose. Et durant l'émission, on avait eu Prévialis et on avait appris qu'elle dépendait en termes de gestion de la banque postale. Nous y avons un contact qui a pris le dossier en main et il nous a envoyé depuis un mail que Maître Noakovic va vous lire. Peut-on mettre une musique, s'il vous plaît, un léger écho sur la voix de Maître Noakovic, car maintenant, mesdames et messieurs, la baronne s'adresse au peuple. Le délai de traitement du dossier de Mme Lassalle n'est bien entendu pas acceptable et nous présentons de nouveau nos excuses à Mme Lassalle que nous avons déjà contactée. Son dossier a été immédiatement débloqué et nous faisons le nécessaire auprès de notre gestionnaire afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. Nous avons donc envoyé à Mme Lassalle un courrier lui proposant une indemnisation au titre de son préjudice moral, plus les frais d'obsèques. Maître Fellonneau, on est bien d'accord pour dire que dès qu'il y a un retard dans ces remboursements d'assurance vie ou quoi, il faut tout de suite montrer les dents parce que sinon, on rentre dans un système où on peut attendre des années. Oui, et puis sinon, on a une prescription qui s'appelle la prescription biennale, c'est-à-dire que lorsque vous avez un litige avec votre propre assurance, si dans les 2 ans, vous n'avez pas saisi un tribunal, vous êtes forclos. Alors, il y a un moyen très simple d'interrompre ce délai qui est très court, c'est une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception disant je vous mets en demeure d'appliquer le contrat et de me verser mon indemnisation. Ceci interrompt la prescription et là vous êtes reparti pour 2 ans. Donc ça permettra d'avoir un peu plus d'oxygène. Nous sommes en attente de l'arrivée de Bernard Sabat à la compagnie aérienne. Il est parti en duplex en direct. Nous attendons des nouvelles de l'enquête sur le garage Hervé Pouchol. J'ai réussi à joindre un voisin. C'est un autre garage spécialisé dans les pots d'échappement et ce monsieur a eu la gentillesse de me dire monsieur j'y vais, je vous rappelle. Oh formidable. Oh, voilà. Faudra me le passer sur l'antenne qu'on remercie. Vous donnerez le nom de la marque après. C'est ce qui est juste extraordinaire sur cette radio, c'est qu'on a vraiment l'impression de travailler en famille. Vous êtes extraordinaire dans le 9h30-11h. Je vous présente Alain dans une seconde. Alain a encore besoin de nous, car quand ça n'avance pas, eh bien nous ne lâchons pas l'affaire. Et c'est pas parce qu'il y a 2 mois d'été qui passent que nous arrêtons les dossiers. C'est dans une seconde. Le 9h30-11h qui revient. Alors pardon pour cette petite voix éraillée. J'ai vu sur Twitter quelqu'un qui pensait que je muais. Ce n'est pas le cas. C'est les affres de la climatisation. Mais je tiens debout. Et je suis là. Et nous allons tout faire pour vous aider. Vous avez choisi RTL. A tout de suite. RTL. Attention, nouveau message de Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, wow, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec l'accès à des applis Android TV, oui, dont YouTube, oui, et Netflix. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. T'es... Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Je vous donne rendez-vous sur France 2 pour une nouvelle saison inédite de Secrets d'Histoire chaque mardi soir. Cette semaine, Stéphane Bern vous dévoile le fabuleux destin d'Alexandre le Grand, un héros universel dont la fantastique épopée est célébrée en Europe, en Afrique ou en Asie depuis plus de 2000 ans. Alors rendez-vous demain à 20h55 sur France 2 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Avec RTL. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le cas maintenant de Alain. Alain, je vous le rappelle, est passé déjà sur l'antenne d'RTL. Écoutons ce qu'il nous avait dit. C'était le 1er juillet dernier. Cela fait maintenant près de 8 mois que je me bats avec mon assurance. Je devrais être indemnisé pour la perte d'un chien d'élevage suite à un accident regrettable. Depuis, il ne se passe plus rien. À quoi sert-il d'avoir une assurance ? Effectivement, vous vous rappelez peut-être que c'était une histoire de fosse septique hein, qu'il fait contrôler par deux experts le 30 octobre 2015. Démarrer une saison par une fosse septique, en général, ça porte bonheur, oui, maître Felloneau. Une fois l'inspection terminée, les agents quittent les lieux mais oublient de refermer les trappes. Et un drame va subvenir, encore une histoire de chien, puisque une des chiennes de l'élevage va tomber dans la trappe que les ouvriers n'ont pas refermée et malheureusement se noyer. Une alerte, vous savez que c'est priorité aux cas qui sont passés précédemment, 10h10, c'est vous Hervé Pouchol. Oui, on va retrouver Bernard Sabat en direct du taxi qui a un petit souci, il va vous l'expliquer. Bernard Sabat qui se rend à la Royal Air Maroc pour l'histoire du chien qui a disparu lors de l'escale. Que se passe-t-il Bernard? Bah écoutez, je n'avais pas d'argent sur moi, et comme le monsieur ne pouvait pas prendre la carte bleue, il faut que je m'arrête à un distributeur, donc j'aurai 3 minutes de retard. Voilà. Et oui. Profitez-en dans le quartier pour regarder s'il n'y a pas une petite radio libre. Je voudrais bien vous engager, ne serait-ce que pour faire... Je suis surprise, parce que vous savez que tous les taxis sont obligés d'avoir une carte bleue. Mais oui. Ah, non. Ah bon? Bien sûr. Eh ben si, c'est obligatoire. Bah oui. C'est la loi, Julien. Oui. Ah bah dans ces cas-là... Il taxi, là. Attendez, retournez la situation, Bernard. Vous dites, vous voulez que je vous dénonce à la préfecture? Non, allez retirer des sous, n'embêtez pas ce monsieur, on prendra 5 minutes. Vous voulez la loi, je la donne. Donc, on en est... Vous êtes incroyable, Maître Novakovic. C'est-à-dire que, Maître Novakovic, tu braques une banque... Tu tues deux personnes. En sortant, tu mets le feu à 8 voitures. Elle se fait arrêter et elle est capable de dire aux policiers « Est-ce que vous avez remarqué que la porte de la banque n'ouvre pas dans le bon sens ?» Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Et les gens s'inclinent dans ces cas-là. Donc, la fosse septique, ils viennent et ils ne la referment pas. Un toutou, puisque c'est un petit élevage professionnel, tombe là-dedans, se noie, demande donc réparation. La société reconnaît par écrit sa responsabilité. La perte est estimée entre 20 000 et 30 000 euros, parce qu'il y a eu ensuite d'autres dégâts. Et depuis 8 mois... Elle attendait que le nécessaire soit fait afin d'être indemnisée. Rien ne bougeait. C'était l'objectif. On attendait un retour de l'assurance GMF. Sarah, où en est-on? Alors, nous avons un petit peu avancé. Je dis bien un petit peu. Je tiens à remercier Monsieur Cornet de la GMF qui a beaucoup travaillé dans ce dossier. Alors, il y a eu un acompte de 1 661 euros. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, un petit acompte. Et il y a encore débat, Julien, sur le préjudice moral qu'a subi notre auditeur. Il estimerait à 500 euros. Évidemment, pour l'instant, nous ne sommes pas d'accord. Mais on va avancer doucement mais sûrement. Maître Felloneau. Oui, en fait, l'évaluation du préjudice là a été un problème puisque c'était un chien reproducteur, enfin une chienne reproductrice. Donc on avait compté dans le préjudice et ben la perte des chiots qui pouvaient naître et ensuite être vendus. Là, il faut faire très attention. En principe, la jurisprudence est d'accord. Alors voilà, il faut trouver un accord. Maintenant, je pense que 1500 euros au total, ce sera une bonne affaire pour la compagnie d'assurance. Oui. Nous avançons sur d'autres dossiers, notamment celui de Pascal dans une seconde. Pascal, c'est un gros dossier, une très belle enquête qui va démarrer dans une seconde. Je suis directrice de publication d'un magazine. Un professionnel nous doit de l'argent, il a pris des pubs dans le magazine, mais ne paie pas, et cela dure depuis plus d'un an. Vous allez entendre ça et les coups de fil en direct également, dans quelques instants, dans le 9h30, 11h. Voici maintenant le grand Stevie Wonder. C'est pour vous, Maître Novakovic. C'est pour vous aussi, Maître Felloneau, car j'ai l'impression que cette année encore, vous serez les sunshine of our life. Le 9h30 à 11h sur RTL. Réglez vos problèmes en musique. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. I feel like this is sur RTL. Il est 10h16 dans le 9h30, 11h. Et n'oubliez pas qu'il y a l'iPhone 6S Plus à gagner d'une valeur de 860 € pour vous récompenser de faire de cette émission l'émission la plus écoutée de France. Steve Jobs ou Steve McQueen, c'est la réponse 1, c'est la réponse 2, mais je peux vous le dire, il faudra taper 1. Donc comment faire en fait? Vous faites 3210, touche numéro 2 pour arriver sur le standard. Et une fois que vous êtes sur le standard jeu, c'est la touche numéro 2, là vous faites la 1. Et RTL au 74 900. Bernard Sabat est-il en place pour intervenir dans quelques instants pour le duplex concernant ce chien qui a disparu pendant une escale? Ah, visiblement, il a rencontré une copine sur le trajet. Allô? Oui, Julien. Oui, je vous écoute. Je suis essoufflé parce que j'ai pris les 5 étages à pied. Ah. Et je suis devant le siège de Royal Air Maroc. Et j'interviens quand vous voulez. Parfait. Dans une seconde, intervention d'un Bernard Sabat essoufflé, transpirant, fauché sur RTL dans le 9h30, 11h. Ton grand, il fait quoi maintenant? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais? Votre Baron de l'Estac, rosé, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? T'es à la foire au vin Lidl, j'espère. Oui, et cette année, c'est un cru d'exception. À partir de mercredi, les deux bouteilles de Bordeaux Terre d'Exception 2015 AOP médaillée d'or, dont une gratuite, sont à 3,78€. 1,89€ la bouteille. Moins de 2€ pour ce Bordeaux médaillé d'or chez Lidl. Mais nous, on fait pas exception à la règle. Comme d'hab, on est mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,52€ le litre au lieu de 5,04€. La bouteille à l'unité, 3,78€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le 9h30-11h sur RTL, l'émission la plus écoutée de France. Avec un duplex improvisé, tout à l'heure, juste avant 10h, Bernard Sabat est au siège d'une compagnie aérienne. Lors d'une escale, un auditeur n'a plus de nouvelles de son chien. On lui a annoncé que celui-ci était mort. Il veut savoir dans quelles conditions, il veut savoir si c'est vrai, puisqu'il n'a pas pu le voir, on ne l'a pas laissé le voir, etc., etc. Et quand on appelle, Sarah s'est fait balader tout au long de la semaine. Nous-mêmes, nous avons appelé tout à l'heure, et au bout de 5 minutes, ça raccroche. Donc Bernard entre en piste. À vous Bernard. Julien, voilà, je suis devant donc un boîtier où je vais sonner, parce que donc pour les raisons de sécurité, on ne peut pas évidemment frapper à cette porte blindée. Donc je sonne, je demande l'accueil, on verra ce qu'on me répond. On me dit d'appuyer sur les flèches pour obtenir des noms, mais je ne connais personne. Donc c'est un peu compliqué. Ah oui, c'est nouveau. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ça. Ah, je vois une Madame Cohen, je vais tenter. Oh, dites donc, pourquoi vous dites ça? Qui les couillons, c'est quoi ça? C'est une cousine. Ça, ah, là. Très bien, oui. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote vraie un jour là-dessus, Bernard. Un jour, je me retrouve dans une boîte de nuit qui se trouvait porte-maillot il y a très très longtemps, c'était un prince sans aucun doute, et qui était énormément fréquenté par les copains de Bernard, que j'apprécie beaucoup. Et il y en a un qui vient me voir et qui me dit, bah, venez boire un pot avec moi, monsieur Courbet. Vous savez, moi-même, je connais un peu le spectacle, je suis un cousin de Patrick Bruel. Bon, je lui dis, non, c'est gentil, je suis avec mes amis. Je fais 2 mètres et un autre vient, ah, monsieur Courbet, on vous a reconnu et tout, ça nous ferait plaisir de boire un coup avec vous. En plus, on est un peu dans le... Je suis un cousin de Patrick Bruel. Et je vous assure qu'il y en a 5 qui m'ont fait le coup. Ils étaient tous, c'est une boîte où on ne peut rentrer que si l'on est cousin de Patrick Bruel. Bernard, où en est-on? Écoutez, pour l'instant, ça sonne. Mais Madame Cohen ne répond pas. Bon, donc, alors essayez. Peut-être monsieur ou Madame Bensoub. Ah ben, d'accord. Mais décidément, alors allez-y. Deuxième. On est dans un immeuble. On me dit. Je vous assure que tout ce qui se passe est vrai, mesdames et messieurs. C'est d'ailleurs ça qui est affolant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais monter mon doigt sur un BioVen qui doit être un système informatique de sécurisation. Oh non. Ah, la porte est ouverte, bougez voilà. Pas. Allez-y. Oh là là. Incroyable. Franchement, si vous faites du suspense comme ça. La lecture de l'œil de l'iris. Alors, le problème, c'est que je n'ai personne à l'accueil. On m'a ouvert la porte. Je dois la fermer. Ça serait une bonne résolution. C'est les vacances. Ça, c'est la meilleure chose. Julien, vous voulez pas me laisser quelques secondes parce que là, a priori, il n'y a personne. On m'a ouvert la porte, mais pour l'instant. Mais c'est le siège d'une compagnie, ça? C'est le siège de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. Bon, alors à l'avancée, vous me faites une petite alerte. Rappelons l'alerte. C'est incroyable, hein? Ouais. C'est incroyable. Bon, à tout de suite, Bernard. Pascal va arriver dans une seconde, directrice de publication d'un magazine, et elle a l'impression qu'elle s'est fait un petit peu couillonner, maître Novakovic. Encore un impayé du côté du garage, Bernard Hervé Pouchol. Est-ce que l'on avance sur l'enquête? Un garagiste a acheté une voiture à un particulier pour lui-même la revendre, et chèque en bois. On avance, mais pas dans le bon sens. J'ai appelé donc un des voisins qui est un bar tabac qui se trouve juste à côté du garage, qui m'a confirmé que depuis 6 semaines, le garage est fermé. Et pire, de nombreux clients demandent des nouvelles, demandent s'ils ont vu le propriétaire. Aïe, aïe, aïe. Et ça sent pas bon. Alors, est-ce qu'il m'entend, mon ami Stéphane qui nous a appelé tout à l'heure spontanément? Stéphane, vous m'entendez? Oui, Julien. Bon, il semblerait que ça sente pas bon. Il y a des gens qui se renseignent, qui veulent savoir également, qui posent des questions sur ce garagiste. Donc maintenant, maître Novakovic, et encore pardon pour ma voix, mesdames et messieurs, j'espère que ça ira mieux demain. Là, ce qu'il doit, ça veut dire que le garage est en train de fermer, il doit vite se renseigner ou avoir l'information pour savoir s'il y a un liquidateur, quelque chose comme ça. Complètement. Là, on s'est renseigné sur Infogreffe. Apparemment, pour l'instant, il n'y a rien. Donc dans un premier temps, je pense que le plus rapide, c'est d'abord d'obtenir de toute urgence le certificat de non-paiement de la part de la banque. Et ensuite, l'assigner via un huissier en redressement judiciaire. Et à ce moment-là, il faudra qu'il se manifeste, il n'aura pas le choix. Et le tribunal de commerce pourra se prononcer. Bon, on appelle M. Didier Mas Automobile, on ne veut pas l'embêter, mais il faut qu'il comprenne que s'il a pris une voiture et qu'il ne l'a pas payée, ça pose un problème, d'autant plus qu'il a peut-être revendu depuis. Oui. Il faut qu'il nous donne des nouvelles et qu'il ait au moins la gentillesse et l'honnêteté de dire à tous ceux qui écoutent et qui ont fait affaire avec lui, voilà les gars, ça peut arriver, j'ai fermé la boîte, mais au moins que les gens puissent s'organiser. Oui, puis attention, parce que s'il a employé ce genre de moyens, là on recourt au pénal, hein. Là ce serait très grave, c'est un abus de confiance, donc attention. Je vous tiens au courant si j'ai d'autres nouvelles, mais maintenant il faut maintenant, Stéphane, que vous-même vous lanciez la procédure, on est d'accord? On est d'accord, Julien, mais je sais qu'il a bien revendu le véhicule en tout cas, et alors, je lance la procédure. Alors attention Stéphane, donc lancez la procédure et s'il vous plaît, Sarah va renoter votre numéro, je tiens à être au courant pour que dès demain, dès après-demain, on redonne des nouvelles à tous nos auditeurs. Merci beaucoup mon Stéphane de nous avoir appelé dans le 9h30-11h d'RTL. Les dossiers continuent, mais là, une confession, c'est rare. C'est rare qu'un négociateur assume complètement et déclare sur une grande antenne la chose suivante. Je suis une crue. Merci Bernard. Percé de plus, j'ai la peau craquelée. Depuis toi desséché, quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse, où j'ai trouvé ta main. Bien avant la tristesse, tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier, et mon cou tu l'as tordu. Le Vianney de tous les Vianney. Pas là sur RTL. Bernard Sabat, est-ce que vous avez réussi à franchir les portes? Est-ce que vous aurez un interlocuteur, une interlocutrice dans le 9h30-11h pour cette histoire de chien disparu lors d'une escale? Oui, Julien, j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'étais reçu avec le sourire par deux dames charmantes ici même. Elles prennent le dossier en main, elles sont en train de regarder la référence informatique du dossier. Elles n'étaient pas évidemment au courant, parce que ça s'est passé à CASA. Ils n'ont pas eu de feedback, eux, concernant cette information. Mais le dossier est en cours, et là, je suis avec elles, en train d'essayer de chercher des informations plus précises. Parfait, nous aurons donc du nouveau dans quelques instants. N'hésitez pas chaque jour, le 30 de 10, pour passer spontanément dans l'émission. N'hésitez pas aussi à faire 30 de 10, touche numéro 2, pour arriver sur le standard jeu. Puis ensuite, vous tapez, je crois, la réponse numéro 1 pour gagner un iPhone 6 d'une valeur de 800 euros. Le 9h30-11h d'RTL revient. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. On parle toujours du grand amour au singulier comme s'il n'était possible de le connaître qu'une seule fois. Mais peut-on vivre plusieurs grands amours dans sa vie? Pour cette première émission de la rentrée, On est fait pour s'entendre conjugue l'amour au pluriel cet après-midi dès 15h sur RTL. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins de fenêtres, niveau choix, c'est vite vu. Et puis il y a la paire, avec ses fenêtres PVC disponibles en 156 coloris et dans toutes les tailles. Et jusqu'au 12 septembre, la paire vous offre jusqu'à 25% de remise immanquable sur les fenêtres sur mesure PVC. Moins 25% sur les fenêtres sur mesure. La paire, je vous le dis, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. À partir de 4 fenêtres PVC, conditions sur lapaire.fr. Ça y est, chérie, je suis passé chez le médecin, à la pharmacie. J'ai récupéré du Mylan comme médicament. Mylan, Robert, ça se dit Mylan. Ah oui, alors évidemment, toi, tu connais ça par cœur. Mais oui, t'aurais pu demander à la pharmacie, c'est connu comme laboratoire. Tu sais que Mylan s'engage à choisir des excipients qui réduisent au maximum les risques d'intolérance? Et pour toi, ça peut être important. Eh ben non, je savais pas. Ben maintenant, je le sais. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon Nadia, je file, j'ai 5 interventions à faire ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois vient d'appeler pour une fuite à réparer. Désolé. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189 euros par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Crédit Bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et voici maintenant le cas de la dernière demi-heure, une enquête avec Pascal. Pascal qui est en ligne avec nous. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Julien. Vous nous appelez d'où Pascal? De Bordeaux. Bien, Pascal, vous êtes directrice de publication d'un magazine et en février 2015, vous avez vendu des emplacements publicitaires une société de conseil en investissement. Les factures étaient de 264 euros par publicité, soit un total de 792 euros payables en trois fois. Et le client se serait acquitté de la première facture et depuis impossible d'obtenir le restant dû. Alors il vous aurait envoyé un email, que disait-il dans cet email? Le dernier email que j'ai reçu de sa part me disait simplement de lui envoyer un RIB pour qu'il nous règle les deux factures restantes et qu'il s'excusait de ce retard. Depuis, aucune nouvelle, vous l'avez relancé combien de fois? Oh, je l'ai relancé à différentes reprises par téléphone, mais parfois il me répondait, parfois c'est sa secrétaire et qu'il ne me le passait pas. Enfin, en tout cas, depuis septembre l'année dernière, je n'ai plus de contact. Est-ce que c'est une petite structure ou c'est une grosse boîte? Non, on peut dire que c'est une grosse boîte puisqu'il a un siège sur Paris et puis dans la région parisienne et ensuite il a des représentants, des courtiers dans différents départements en France. Ce qui est complètement fou, je m'adresse aux avocates, c'est quand même, on parle d'une somme de 528 euros. C'est important pour Pascal, mais qu'une grosse boîte ne puisse pas s'acquitter d'une somme pareille, ça fait quand même peur, ça, Maître Novakovic. Bah, non seulement ça fait peur, mais en plus ils agissent sur le fait qu'il s'agit d'une somme suffisamment faible pour peut-être dissuader notre auditrice de saisir le tribunal de commerce, parce que, mais moi je vous conseille très sérieusement de le saisir en référé, parce qu'il est évident qu'il a reconnu expressément devoir cette somme, donc le référé s'impose. Mais appelons tout de suite pour discuter avec cet homme plein de bon sens, appel lancé dans 4, 3, 2, 1, 0, go. Attention, ça sonne. Nous appelons donc cet expert, un expert en viager. Bonjour. Oui, bonjour madame. Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL. Est-ce que monsieur Guillaume Attala est là, s'il vous plaît? Un instant. Merci beaucoup. Alors, Madame va chercher monsieur Atala, on l'entend marcher, elle semble avoir de beaux talons. Oui. Une cloche, elle vient de taper sur la tête d'un collègue en passant, voilà, elle lui tapote sur la tête pour lui demander s'il va bien. Le monsieur fait un drôle de bruit. Ah, ce matin, on est gâtés, on a tout. Allô ? Allô, allô ? Bon, alors on attend que quelqu'un nous réponde. Là, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Oui, allô, il est en rendez-vous. Ah, alors, vous lui expliquez, madame, je vous explique une nouvelle fois, comme ça vous allez pouvoir lui transmettre le message. Vous dites à monsieur Atala que nous sommes en direct sur la radio RTL et que nous avons Pascal Péfet à Martignac de Senior Mag, qui a un impayé, puisque il y a, je crois, deux parutions qui n'ont toujours pas été payées, et elles galèrent depuis pas mal de temps. Que se passe-t-il, Hervé Pouchol ? Nous allons retrouver Bernard, qui a lancé une alerte. Dites-lui que je le prends dans quelques instants. D'accord. Donc vous lui dites que, voilà, tout est ce monsieur est d'accord, il doit... Oui, c'est le magazine, je viens de vous le dire, Senior Mag. Et elle attend son argent. Depuis combien de temps vous essayez de récupérer votre argent, Pascal ? Depuis plus d'un an maintenant, puisque les parutions datent du printemps 2015. Bon, je pense que ce monsieur est en rendez-vous, mais s'il pouvait avoir la gentillesse, voyez, pour qu'on n'en fasse pas des tonnes et qu'on essaie de régler ce problème, à mon avis, c'est un petit problème d'intendance, ça doit se régler. Oui, Maître Novakovic ? Non, rien. Ah, pardon. Voilà, madame, vous essayez d'avoir peut-être le comptable de la société ? Oui, Marie ? On a le numéro du commercial, si vous voulez. Oui, on va peut-être appeler le commercial, s'il le faut. Vous essayez de m'avoir quelqu'un, madame ? Vous pensez que personne ne peut parler là-bas à la comptabilité ? Non, la comptabilité, nous sommes un cabinet spécial. Donc... Alors, on lance. Voilà, vous voyez avec ce monsieur. Là, il est dans les locaux en rendez-vous ou il est à l'extérieur ? Il est dans les locaux. Je m'en devrais plus si vous. Allez, dites-lui, on a 27 minutes qui nous rappellent et on règle ça entre personnes intelligentes. Hervé. Non, j'aurais aimé parler à cette dame un petit peu hors antenne. Je vous la passe. Marie, que se passe-t-il, s'il vous plaît ? On a le commercial, monsieur Éric Lafargue en ligne. Oui, monsieur Lafargue, bonjour. Bonjour. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur Lafargue, je vous appelle, alors vous n'y êtes pour rien, mais j'avais besoin de vous pour m'aider concernant Senior Mag, à qui la société Expert Viager à Meaux doit des sous. Comment vous pouvez m'aider ? Vous savez, il y a eu des parutions, vous êtes au courant ? Oui, c'est lui qui a signé le bon pour accord sur la publication. Oui, je suis au courant, voilà. Oui, tout à fait. Oui. Et la dame qui est en ligne avec nous, Pascal, n'a pas été payée. Ah, alors ça, je peux vraiment rien vous dire, moi, personnellement. Et vous savez qui peut s'en occuper, là-bas ? Ben écoutez, moi, je suis un commercial indépendant, donc je suis un commercial indépendant, je suis un agent co, indépendant, donc je n'ai aucun lien avec la société Expert Viager. Voilà, et c'est eux qui m'avaient proposé de me financer une campagne de pub pour ils se sont engagés à me la financer. Après, moi, je m'en suis pas occupé plus que ça. Hein. Bon, je comprends, monsieur. Effectivement, sachant monsieur n'est pas sérieux. Je ne fais plus partie de ce réseau parce que je ne fais plus partie de ce réseau. D'accord. Je ne souhaitais pas continuer à travailler avec eux. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Je m'excuse de vous avoir dérangé. Non, mais je vous en prie, monsieur. On vous souhaite une bonne journée. Maître Novakovic, vous vouliez dire ? Oui, simplement qu'on est quand même en possession d'un mail du gérant de la société Expert Viager qui indique expressément donc à notre auditrice en septembre 2015, donc il y a un an bientôt. Oui. Bonjour, pourriez-vous me transmettre votre RIP afin que je procède au virement des sommes dues ? Veuillez accepter les excuses pour ce décalage. Donc cela prouve bien, effectivement, que le gérant reconnaît devant les sommes. Bien sûr. Il le reconnaît, le gérant, c'est monsieur Guillaume Atala, je crois, de mémoire. Exactement, essaie d'avoir. Je vous dérange pas plus longtemps, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. À vous. Au revoir. Donc, monsieur Guillaume Atala, je suis certain en plus que c'est un petit problème bête, mais ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche, on le dit. Ça prend des proportions idiotes. Et il parle à Pascal, il trouve un échéancier, mais je ne vois pas pourquoi cette boîte, qui a plusieurs filiales, ne pourrait pas donner 500 euros pour une pub qui est passée. Il y a eu une alerte, il y a eu une seconde. Bernard Sabat, est-ce que vous pouvez me faire patienter juste quelques instants ou est-ce qu'il vous faut l'antenne immédiatement ? Monsieur Courbet, je suis à votre disposition, donc s'il vous faut quelques instants, j'attendrai quelques instants. Merci beaucoup, je tente une petite pause et nous allons savoir ce qui se passe. Enfin, en tout cas, nous allons essayer d'avoir d'autres informations pour le chien qui a disparu lors d'une escale à Royal Air Maroc où se trouve Bernard Sabat en duplex. Alors, il m'a semblé entendre quelque chose sur l'antenne et on va réécouter dans une seconde. Xavier, c'est pas grave, faisons la petite pause maintenant parce que j'ai entendu quelque chose, mais je suis en train de lui demander, vous l'avez ? Non, j'ai pas. Mais non, d'accord, alors c'est pas grave. Vous ne parlez pas tout seul, personne ne vous entend, vous n'avez pas de micro. On se croirait sur Poivre FM. Une radio qui n'existe plus maintenant. mais que nous sommes en train de remettre au goût du jour. Je vous assure, des fois, j'ai parlé avec le grand président d'RTL et je lui disais, je t'assure, il faudrait peut-être rebaptiser cette radio en Poivre FM. Vous mettriez deux caméras, vous nous mettez des cacahuètes. Alors oui, tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose. C'est parce qu'il n'arrivait pas à le retrouver, mais ça y est, il l'a retrouvé. J'espère que j'ai mal entendu. Réécoutons. Financer une campagne de pub pour... Donc au départ, c'était bien une campagne de cul. Donc je me tourne tout de suite vers Pascal. Pascal, oui. Votre magazine de seniors, là, ils font quoi les seniors sur les photos? Ils sont bien, sont reposés, il n'y a aucun souci, non, j'ai aucun problème. C'est incroyable, j'avais fait une interview pour vous, moi, il est vachement bien votre magazine. Hein, je rappelle, c'est gentil, je vous remercie Julien. Mais par contre, moi, vous ne m'aviez pas fait... Une campagne de cube de... si vous pouviez m'avoir quelques numéros. Je vous retrouve dans quelques instants, c'est Bernard Sabat qui sera là aussi, et nous on continue à attendre Guillaume Attala, et nous allons faire un point sur tout ce qui s'est passé. Trois enfants à la maison, ça en fait des bouches à nourrir. Avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tous les produits pâturage Chabrieur, Paquito et Apta. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Baron de l'Estac. Oh, avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah pardi, choisissez-moi. Baron de l'Estac, pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin? C'est Baron de l'Estac. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Faites vite pour l'iPhone, ce sont les dernières minutes. 32-10, touche numéro 2, puis numéro 2 une nouvelle fois pour essayer de le gagner. Il y a également le... Non, c'est numéro 1 ensuite. Hein. C'est 32-10, touche numéro 2, puis numéro 1. Et pour le SMS, RTL au 74-900. Bernard Sabat, un chien disparaît lors d'une escale. On dit au passager, il est mort, mais il veut en savoir plus. Il aimerait vraiment savoir s'il est mort. Est-ce qu'il a disparu mystérieusement? On lui dit, il se serait étouffé. Où en êtes-vous, Bernard? Écoutez, je suis avec Elsa Benlou, qui est le manager direction financière France de Royal Air Maroc, et qui souhaite prendre l'antenne, Julien. Je vous en prie, qu'elle la prenne. Allô? Bonjour madame, soyez la bienvenue sur l'antenne RTL, je vous écoute. Alors, je travaille chez Royal Air Maroc, nous n'étions absolument pas au courant de ce dossier. D'accord. Donc, qui est arrivé en août, le 5 août, et on est très très sincèrement désolé pour cette personne, ce passager. Donc la procédure, c'est que nous allons chercher avec le numéro de réclamation auprès de nos services compétents. Et dans les 48 heures, donc nous allons vous envoyer, j'ai communiqué mes coordonnées, mon numéro de portable direct à Bernard Sabat. Et le passager peut en direct nous joindre pour avoir des nouvelles. Et son c'est formidable, madame. Et c'est pro de votre part. Est-ce que Emilien est en ligne avec nous? Emilien, vous avez entendu? Oui, bah, il s'avère que je voulais vous dire qu'on est très très attristé par ce qui vous arrive. Excusez-moi juste de vous interrompre. Je pense que je suis confronté à un mensonge parce que j'ai été mis en plusieurs fois en relation avec votre agence où on m'a dit que avec votre agence de Paris suite à l'ouverture de mon dossier. Où on m'a dit que vous aviez bien conscience du problème et qu'on me recontacterait. Mais on ne m'a jamais recontacté. Alors, Maître Fellono a écrit. Alors, oui, effectivement, non seulement il y a eu ces réponses-là, mais il y a eu même un avocat dépêché par la compagnie aérienne, qui est d'ailleurs dans un cabinet anglais, et qui écrit, voilà, vous serez effectivement tenu informé. C'est-à-dire que ça fait donc un mois, pratiquement un mois aujourd'hui, que finalement on lui promet une réponse imminente. Alors, et en fait, Julien, de quoi parle-t-on? D'une procédure réglementaire avec des autorités sanitaires et donc les documents ils sont faciles Nathalie, à retrouver. On va pas refaire tout le débat. Je comprends la colère d'Emilien. Emilien, nous nous sommes rendus au siège et aujourd'hui nous tombons sur une personne qui nous dit on va faire toute la lumière là-dessus. Si vous êtes venu ici Emilien, c'est parce qu'il y a eu des tas de dysfonctionnements et je pense que tout le monde en est conscient dans cette affaire hein, qui est assez glauque. Madame va maintenant nous en parler. Bernard, dès demain, aura peut-être du nouveau dans 48 heures, a dit madame. Donc attendons de voir les réponses que va nous donner cette dame Emilien et vous prendre et vous serez conseillé pour prendre des dispositions à ce moment-là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, bien sûr. Alors, dans 48 heures sur l'antenne d'RTL, Bernard, c'est ça, 48 heures? Voilà. Bon, exactement. Moi, bon. Je confirme. Ok, ça marche. Merci, madame. De mon côté, ce sera maximum 48 heures et encore nos excuses. Mais je vous en prie, dans 48 heures, Royal voilà. Maroc sera sur l'antenne d'RTL pour nous dire ce qui s'est passé. Merci beaucoup, madame. Pouvez-vous me repasser Bernard, s'il vous plaît ? Merci. Vous pouvez me repasser Bernard, s'il vous plaît ? Oui, Bernard. Oui, je suis là. Dans 48 heures, j'ai besoin de vous, donc, pour faire le point dans cette affaire. Sans problème. Elle m'a demandé même mon numéro portable pour me faire avancer un petit peu le dossier si on avait des nouvelles dès demain. Bon, j'ai senti de toute façon que cette dame était très attirée par vous, d'autant plus. Elle était émue dans la façon même de prononcer votre nom. Direct oui, mais elle est charmante. Non, mais écoutez, au lieu de dire elle est charmante, écoutez ce qu'elle a dit, mon petit Bernard. Mes coordonnées, mon numéro de portable, direct à Bernard Sabat. Bon, Bernard, on fait comme ça. Ok, sans allez, attends deux jours, Nathalie. Oui, ben Bernard, non seulement nos auditeurs d'RTL attendent cette réponse avec Émilien, mais il y a quelque chose qui tourne sur Internet avec 77 ah oui, 000 signatures et deux gens qui racontent des histoires qui sont effectivement extrêmement troublantes, pas forcément, attention, avec la RAM, oui, avec sur la compagnie, bien sûr. Pas forcément sur cette compagnie, bien évidemment. Mais effectivement, il faut rassurer tous les propriétaires d'animaux qui souhaitent prendre l'avion et de prendre les bonnes dispositions. Et la réponse de Royal Air Maroc sera effectivement déterminante. Alors, il y a avait même un autre cas, on va pas en parler maintenant, mais on avait une autre personne qui nous a expliqué que son chien a vécu la même chose en bateau cette fois-ci, et il se serait étouffé le chien parce que on avait posé une sorte de bâche sans vouloir, il a plus d'air le malheureux, donc il faut faire très attention. Il a fait 2 ans de procédure et la SNCM, puisqu'il s'agit d'eux, avait été condamnée au civil à verser 2500 euros d'indemnité au couple alors qu'il demandait beaucoup plus. La justice a reconnu que la compagnie maritime avait été défaillante, donc d'où ma question. Ce n'est pas du tout, et je tiens à le dire, le but de l'appel d'Emilien. Il ne veut pas d'argent, il veut savoir, et c'est normal. Peut-être que son chien, se dit-il, est encore en vie, on me l'a volé, mais est-ce qu'il pourrait demander des indemnités ? Oui, Julien, d'ailleurs, le cas de la SNCM, c'était sur le fondement de la négligence, parce qu'il existe une présomption de responsabilité de la compagnie, à moins de prouver le cas de force majeure, ou alors la faute de la victime. En l'occurrence, bien entendu, il pourrait réclamer une indemnisation plus tard, sur le fondement de l'article 384, alinéa 1. Mais bon, là, ce n'est pas l'objet, puisqu'il n'a pas l'intention de le faire, mais il faut le savoir, il est en droit de le faire. Bien, il est 10h43 sur l'antenne d'RTL et nous allons entrer dans le dernier quart d'heure qui est toujours le quart d'heure le plus important. Attention, tout se joue maintenant. C'est le Money Time dans le 9h30-11h sur RTL. Et d'ailleurs, la preuve avec cette alerte d'Hervé Pouchol. Hervé. Nous avons Guillaume Attala à propos de Pascal et la directrice de la publication. Il doit des sous. Je viens de l'avoir à l'instant en ligne. Monsieur Attala, soyez le bienvenu en direct du 9h30-11h d'RTL. Je suis navré de vous déranger. On essaie juste d'aider cette dame qui nous dit que depuis un an, elle attend un règlement. C'est Pascal Péfet qui est en ligne avec nous, je crois également. Je vous écoute, monsieur Attala. Oui, tout à fait. Oui, c'est un terrible malentendu et je m'engage à régulariser la situation ce jour même. Juste si elle peut me renvoyer la facture par email de suite et je le fais dans la journée, le règlement part. Pascal, avez-vous entendu ? Oui, j'ai entendu, oui. Voilà, donc oui, si vous faites ça aujourd'hui, vous serez réglé d'ici la fin de la semaine. Non, ça peut arriver, monsieur, mais on ne comprenait pas. Je m'excuse auprès de cette personne. Merci, monsieur, de nous avoir parlé, en tout cas. C'est en toute transparence, vous êtes des gens sérieux. Il y a eu une petite erreur, j'en suis sûr, et je le sentais comme ça, de communication, de papier, etc. Maintenant, elle en a besoin, donc je compte vraiment sur vous pour qu'elle soit réglée cette semaine. Pas de souci. Merci, monsieur Attala. Pascal, on va vous redonner les coordonnées de ce monsieur, vous serez payé d'ici la fin de la semaine. Ça vous va? Bien sûr, je vous remercie. Après un an de bataille, effectivement, 5 minutes pour régler l'affaire. Donc, merci beaucoup, Julien. Merci, Pascal. Attention, on se rappelle avec Sarah pour me dire j'ai le chèque en main. Hein. On vous avait dans cette émission, malheureusement. Ça marche. Je vous en prie, Pascal. Tant mieux, une première affaire de régler. Dans une seconde, nous allons faire justement dans ce Money Time, le dernier quart d'heure, le point info. Il y a des cas, on ne va pas se mentir, qui n'ont pas avancé, mais qui vont avancer demain, après-demain. Il faudra faire un point. Mais là, j'avais tellement envie de réécouter. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il allait être le chanteur de génie qu'il est devenu. À l'époque, on s'est dit, tiens, voilà, il fait un titre, genre top 50. Et puis par la suite, c'est devenu, certains l'ont même comparé à Brel, hein, le grand Stromae avec son album. Et là, c'est le premier titre qu'on réécoute. C'était « Alors, on danse ». Vous avez dansé, Maître Novakovic, cet été ? Bien sûr. Ah, vous nous direz dans quelles conditions, alors, dans quelques instants. Ça ne me regarde pas. Alors, on danse. Alors, on danse. Qui dit étude, dit travail. Qui dit taf, te dit les thunes. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crédit, triste, dit monde, dit famine, dit tiers monde. Et qui dit fatigue, dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zique tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. La la la la la la la. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Romain, alors on danse. Le point info dans le Money Time. Le dernier quart d'heure, voyons comment nous nous sommes sortis de tous les cas qui ont été présentés. Bah oui, il y en a encore, oui. Des cas, il y en aura encore demain, je vous le dis. D'ailleurs, il y aura peut-être même ceux qu'on a traités aujourd'hui qui n'ont pas avancé. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. La Minute Info, c'est le cas d'Emilien. Un gros cas pour démarrer cette nouvelle saison du 9h30-11h. Mon chien serait décédé lors d'un vol en avion. Je n'en ai aucune preuve. La compagnie est incapable de me fournir un document officiel. J'ai même dû faire des pieds et des mains pour récupérer un vague récépissé où il est écrit « irrégularité de bagages ». C'est là où Bernard Sabat est parti en duplex. Et Bernard, je compte vraiment sur vous pour porter une attention particulière sur ce dossier, parce que là, cette dame nous a fait un discours de circonstance. Elle était à la radio, on va s'en occuper, mais lui se fait quand même balader. On en a les preuves depuis quelques semaines, donc je compte sur vous pour que dans 48 heures, il y ait du nouveau, Bernard. Oui, Julien, moi j'en suis intimement convaincu. Elsa Benlou m'a donné son portable, va appeler notre auditeur dès 11h. Pour les tenir au courant, donc je pense que le dossier devrait avancer. Dites donc, vous avez gaffé, là. Oui, hein, j'ai gaffé. Ben oui, vous avez gaffé. Elle m'avait invité pour un thé marocain, et voilà. Mais non, c'est pas ça. C'est que je vous demande des nouvelles sur le dossier, vous étiez tellement content. Elsa Benlou m'a donné son numéro. on vous a pas demandé d'avoir le numéro d'Elsa, on vous a demandé de régler le dossier. Et ça lui arrive tellement peu souvent. Bon, merci beaucoup. Donc, Emilia aura du nouveau. Joli, dans 48 heures, on va se battre vraiment pour ce cas. On a eu un cas spontané. Chaque jour, vous savez que nous prenons un cas qui arrive comme ça au standard, sans préparation. C'est un cas de voiture. Un monsieur vend sa voiture à un garagiste qui lui-même allait la revendre. Elle a d'ailleurs été revendue par le garagiste, mais lui s'est retrouvé avec un chèque en bois. Et là, malheureusement, on a essayé tous les numéros qui nous ont été donnés, par... Oui, bonjour. 22 rue Bayard. Ah oui, d'accord. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est quelqu'un qui vient de passer dans les studios et qui nous rappelle qu'on est au 22 rue Bayard, ce que nous savions. D'ailleurs, je tiens à lui dire, depuis maintenant 17 ans, non, c'est un son qui est parti comme ça. Donc, la voiture est vendue, on lui fait un chèque en bois. On appelle, ça répond pas. Hervé, vous faites une enquête de voisinage qui sent pas très bon. Ça fait 6 semaines qu'on n'a plus de nouvelles. C'est ce que me disait la patronne de ce bar tabac. J'ai eu une autre information qui, cette fois-ci, est à vérifier, bien entendu, à prendre au conditionnel. Cette personne serait tombée malade, gravement malade. Ah, mince. Donc, écoutez, on va essayer avec Sarah d'avoir des nouvelles de ce monsieur. Et puis, on espère que les clients seront remboursés le plus vite possible. Et nous avons eu, bien sûr, le cas de Pascal il y a quelques instants. Je suis directrice de publication d'un magazine. Un professionnel nous doit de l'argent. Il a pris des pubs dans le magazine, mais ne paie pas. Et cela dure depuis plus d'un an. Nous avons appelé celui qui était, entre guillemets, responsable de l'impayé, boîte sérieuse. Et d'ailleurs, dès que nous l'avons eu, les choses se sont arrangées. Hervé Pouchol. Le chèque de 528 euros partira aujourd'hui. On fait confiance à Guillaume Attala. Et attention, hein, c'était un magazine pour seniors, où l'on fait de drôles de campagnes, puisque il m'a semblé entendre... C'est une campagne de cube. Donc bon, écoutez, pour l'arthrose, vous imaginez la campagne, lutter contre l'arthrose. Faites l'amour 8 fois par jour. A tout de suite sur l'antenne RTL. La Matmut assure les enfants de l'école à l'université. Quand ils sont enfants, je comprends, ils sont turbulents. Oui, et quand ils sont étudiants, il faut aussi une assurance pour l'appartement. En fait, la Matmut les suit durant toute leur scolarité. Oui, de l'école à l'université. Dans les limites et conditions définies au contrat assurance scolaire et habitation étudiant. Ah, ça y est, c'est le grand jour. La chasse est enfin ouverte. Mais il me manque l'essentiel, le chasseur français. Ce mois-ci, dans le chasseur français, grand numéro spécial sur l'ouverture de la chasse et une enquête sur les lieux où trouver de l'or en France. Et pour 3,80€ en plus de votre magazine, une lampe torche. Le chasseur français, c'est aussi la pêche, le jardin, la nature. Le chasseur français, la vie grandeur nature. Bonne année scolaire avec Carrefour. Alors, il faut 5 stylos billes noires pour Zoé, 2 rouges et 4 verts pour Max et pour Claire que des bleus. Mais t'embête pas maman, chez Carrefour jusqu'au 5 septembre, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 27 stylos billes cristal. Waouh ! Je te sauve là. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'au 5 septembre, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 27 stylos billes cristal. Pointe moyenne, coloris assortis, modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et pour vous féliciter et pour vous remercier de votre gentillesse, puisque vous avez fait lors du dernier sondage de cette émission l'émission la plus écoutée de France avec un nouveau record, 1 400 000 auditeurs chaque jour, plus du double de nos concurrents, et bien c'est la moindre des choses, un iPhone 6S à gagner chaque jour pour les auditeurs du 9h30-11h RTL. Et nous appelons tout de suite celle ou celui qui a été tiré au sort. Nous allons, si la personne répond, si elle ne répond pas, nous passons au suivant, bien évidemment. Et si le suivant ne répond pas, nous arrêtons là, car nous n'avons eu que 2 appels. Le jeu était une catastrophe. On a eu énormément d'appels. Oui, allô ? Oui, bonjour ! Bonjour, comment allez-vous ? Et vous ? Il est content ? Ça va super, oui, très bien. Qu'est-ce qu'il a comme portable, habituellement ? Eh ben, j'ai un ancien iPhone, le 4. Voilà. Oh bah, depuis quand on se balade avec un 4 ? Aujourd'hui, on se balade avec... Il faut se balader avec le 6S Plus, c'est le top des smartphones Apple, celui dont tout le monde rêve, le plus grand taille, le plus grand tout, plus large, plus fin, économe en énergie, avec une surface comme Maître Felono lisse. Un survoleur des technologies. Épouse à merveille le nouvel écran Retina. Bon, ça va mon Florian, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oui, je travaille chez Alinéa. Chez ? Alinéa. Ah, qu'est-ce qu'ils font déjà, Alinéa ? J'ai un trou de mémoire. Des meubles. Ah, des meubles, parfait. Oui, bon, Florian. Meubles et décorations. 28 ans, vous êtes marié ? Non, je suis pas axé. Ah, ben parfait. Eh bien, écoutez, sorgue dans le Vaucluse. Florian, vous avez gagné cet iPhone 6S qui est une petite merveille. Ah, c'est génial, Julien. Je vous embrasse, mon Florian, et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Vous savez quoi ? Demain, on leur met un. C'est la tournée du patron. Un nouvel iPhone 6S, soyez là dès 9h30 pour tenter de le gagner. Il y en aura tout au long de la semaine jusqu'au vendredi. À cette année, on a envie de vous couvrir de cadeaux. Est-ce que j'ai quelques instants ? Oui, me dit-on, pour parler... avec... Ah non ! Oh pardon, parce que je viens de tomber sur le mot barbecue. On me dit que Hélène est passée lors d'une porte ouverte avant les vacances et je rappelle son histoire. Non tiens, on va changer un peu. Maître Felono va vous lire en musique. Et de manière érotique, elle qui a trouvé un Pokémon qui a bouleversé... Je vous ai dit, elle a beaucoup cherché parce que je l'avais régulièrement au téléphone et elle a trouvé un vrai Pokémon qui évolue énormément, paraît-il, et très vite surtout, mais pas longtemps. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est un petit peu le problème. Ah, alors attention. Oui. Hélène a acheté un barbecue à 129€ sur Internet sur le site de Monsieur Bricolage le 23 avril. Elle va le retirer dans le magasin. Elle voit que ce n'est pas le bon modèle. Damnette, se dit-elle, il manque les roulettes. Depuis le passage par le SAV, elle demande simplement le remboursement. On lui propose d'abord de lui envoyer des roulettes, mais elle refuse. Depuis le 23 mai, date de renvoi du barbecue à l'entrepôt, elle attend toujours son remboursement. Et on attendait le retour de l'enseigne pour le remboursement. Hélène est en ligne avec nous. Hélène, bonjour. Bonjour. Bonjour Julien. Comment va-t-elle ma Hélène ? Très bien. Bon, alors Hélène, est-ce que c'est une voix optimiste ou pessimiste ? Oh non, très optimiste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je suis passée sur l'antenne jeudi. Deux jours après, j'avais le remboursement du barbecue. Et la semaine qui suivait, on avait en cadeau le bon barbecue à roulette dans notre jardin. Ah ben, c'est formidable ça. Bravo en tout cas à Monsieur Bricolage qui a tenu promesse. Est-ce que vous l'avez bien utilisé cet été le barbecue ? Oh oui, il a bien servi. Il y a eu de la merguez ? De la merguez, la chipot, tout. De la chipot. La chipot bien saisie. Attention, vous avez fait les trous avec la fourchette. Hein. Oui. Sinon, elle vous explose à la gueule, la chipot. Ah, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'en ai une. Et celui qui n'a pas pris une chipot comme ça de face ne sait pas ce que ça fait. Hein. Bon, je suis ravi pour vous, Hélène. Ah oui, oui, tout à fait. Merci, merci beaucoup à toute l'équipe. Bah, Maître Novakovic, je vous en prie. Toujours très ému quand on parle de chipolata. Non, c'est vous, vous faites une drôle de tête. J'ai reçu une chipot. Elle vit elle-même avec une chipot depuis 13 ans maintenant. Et elle fait avec. Allez, attends. Avec Télé 7 jours, The Beatles. Retrouvez, réunis pour la première fois dans une collection inédite, tous leurs albums originaux, entièrement remasterisés, dans une superbe édition de luxe. The Beatles, la collection événement. Cette semaine, le CD numéro 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 9,90€ seulement avec Télé 7 jours. La super rentrée, Carrefour Market. Tiens, mais qu'est-ce que vous avez à sauter comme ça ? Vous essayez de vous envoler ? Je m'entraîne, Michel, je vais être prêt pour la super rentrée. Le 1er septembre, les super-héros Marvel débarquent chez Carrefour Market avec des figurines exclusives à collectionner. Des super-héros comme Spider-Man ? Oui, et aussi Iron Man, Captain America et plein d'autres. Et en plus, vous pourrez profiter de promos extraordinaires et de surprises incroyables. Je suis super impatiente. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Bonjour, c'est Michel Simès. Tous les matins à 8h15 sur RTL, je vais m'occuper de vous. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès sur RTL. Ensemble, nous allons voir ce qui est bon pour votre santé, pour votre bien-être. Ma seule obsession, ce sera votre corps. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Et puis, je vous parlerai quand même de médecine, on ne peut pas se refaire. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Alors, à demain à 8h15 dans RTL Matin avec Yves Calvi. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Les vacances sont finies, elles se sont mal passées lors d'un voyage, donc très très vite. Hein, vous êtes tombé sur un hôtel, un camping, un appartement, il devait y avoir vue sur mer. Et vous aviez vu sur ta mère, enfin un truc comme ça. Vous n'hésitez pas, 3210 ou bien le Facebook, la page ça peut vous arriver. Vous avez des photos, des films, allez-y pour un voyage catastrophe. On va vous régler ça, notamment avec notre spécialiste voyage, Bernard Sabat. Il est là Bernard? Oui, c'est en ligne, dans le taxi. Ah, mon Bernard, s'il y a des problèmes de voyage qui arrivent, là, vous me les réglez. Ah, comme d'habitude, chef. Bon. Pas de problème. Je vous souhaite une bonne journée, mon petit Bernard. On vous retrouve merci. Quand Dès mercredi. Oh, merde. D'accord, merci, Bernard. On vous embrasse fort. Vous dire également que si ça vous dit, ce soir, c'est la dernière semaine du jeu Still Standing sur D8. Vous savez où les gens tombent dans les trappes, là, quand ils... Si vous n'avez jamais regardé, jetez un coup d'œil ce soir à 19h20 sur D8. C'est vraiment très drôle. Bon, vous remerciez encore beaucoup pour vraiment nous accorder cette confiance. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant annoncer... Non, ils l'ont signé. Bah, vous êtes là, mon Stéphane ! Mais oui ! Mais c'est génial ! Mais oui, bah, c'est génial. Salut Julien, salut à tous ! Oui, nous sommes de retour. Oh, on attendait ça avec impatience. Notre retour, c'est la rentrée sur RTL. Avec, il y a une tradition dans Amélie. La bonheur. Amélie. Bien sûr. Eh oui, Amélie, notons. Chaque année. Elle le fait exprès. Elle ne peut pas écrire de livre à un autre moment de l'année, n'est-ce pas, chère Amélie ? Mais je le fais exprès pour être votre première invitée, ce qui est le grand but de ma vie. Mais c'est un but très louable. Allez, je vous souhaite en remercier. Oui, bonne journée, et mon cher Julien. Super saison à vous, mon Stéphane, et à toute votre équipe. Merci, c'est adorable. Merci, Maître Novakovic. Merci, Julien. Merci Maître Fellano. Merci Hervé, merci Bernard, merci Sarah, Marie, toutes les équipes d'Alaza. À demain 9h30. Il est à la seconde près 11h. L'information, Marie Guerrier. Dans la crise autour du prix du lait, certains producteurs aimeraient que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'implique davantage, quitte à appeler tous les jours Lactalis, dit le syndicat Jeunes Agriculteurs. Mais le ministre répond qu'il n'a pas le numéro de portable d'Emmanuel Beignet, le PDG de Lactalis, et qu'il n'a jamais rencontré ce patron très discret. On ne le voit jamais, monsieur Beignet ne m'a jamais demandé un rendez-vous, déclare Stéphane Le Foll. Et le ministre ajoute, je suis disponible pour faciliter et pousser au dialogue, mais je n'ai pas de moyens de pression directe dans des relations commerciales. Les producteurs laitiers préparent de nouvelles actions contre Lactalis, il y en aura dans le courant de la journée. Et RTL vous pose cette question aujourd'hui, seriez-vous prêt à boycotter les produits Lactalis? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en débattre avec Christelle Rebière et Vincent Parisot dans RTL Midi. L'église de Saint-Étienne du Rouvray, où le père Hamel a été assassiné en juillet, rouvrira le 2 octobre prochain. C'est une information que nous communique Frédéric Veil en Normandie pour RTL. Tous les petits mots, les bougies et autres objets déposés ces dernières semaines en hommage au prêtre ont été retirés et ils serviront à constituer un mémorial. Pour que l'église de Saint-Étienne du Rouvray puisse à nouveau accueillir des messes, l'évêque présidera au préalable une cérémonie spéciale pour bénir les lieux. Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, présente ce matin la rentrée scolaire 2016, avec notamment l'entrée en vigueur de la réforme du collège. C'est une confiance affirmée envers les enseignants, avec plus d'autonomie et plus de liberté, dit la ministre. Elle insiste sur le fait que les élèves pourront bénéficier d'heures d'accompagnement personnalisées et elle explique que les enseignements interdisciplinaires renforceront les connaissances en les croisant. Par ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem promet la création de 4000 postes sur 2 ans. Dans l'actualité du jour, il y a aussi des consultations pour mettre sur pied la future fondation pour l'islam de France. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, va recevoir au fil de la journée des représentants du culte musulman, des personnalités de la société civile et des parlementaires. Bernard Cazeneuve qui a déclaré ce matin qu'une loi pour interdire le burkini serait contraire à la Constitution. Nicolas Sarkozy sur RTL lui a répondu qu'il fallait alors changer la Constitution. L'ancien chef de l'État et candidat à la primaire à droite voudrait que le port du burkini soit interdit à la plage et à la piscine. En Norvège, un orage a été fatal à plus de 300 rennes sauvages. Ils sont morts foudroyés dans un parc national du sud du pays. La météo sur la France aujourd'hui, ciel gris et petites averses sur la moitié ouest, sauf en Bretagne, là il y a du soleil. Et puis soleil aussi sur toute la moitié est de la France. Les températures baissent sur beaucoup de régions. 20 degrés annoncés au meilleur de la journée au Havre, 21 à Brest, 23 prévus à Lille, 24 à Paris, 25 à Rennes, à Lyon, à Bordeaux, 29 à Perpignan et jusqu'à 34 à Nîmes. Les courses à Vincennes, les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 15, le 16, le 14, le 15, le... Je recommence. Le 15, le 16, le 14, le 11, le 6, le 4, le 10 et le 7. Et la dernière minute, c'est le 10, Ulysse de Fontaine. Il ne faudrait quand même pas se tromper. Il est 11h03 et vous êtes sur RTL. À la bonne heure, revoici Stéphane Bern, c'est la rentrée. Mais oui, bonjour, ma chère Stéphane. Marie Guerrier, quelle joie de vous entendre et de vous retrouver. Partagez cette joie. Mais oui, absolument, avec les auditeurs surtout. Ils sont heureux d'avoir les informations dites par vous. Alors on vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité et on va retrouver à la bonne heure dans un court instant. 11h-12h30, Stéphane Bern, à la bonne heure. Et voilà, c'est notre retour avec un invité que je vais vous présenter. Merci Amélie Nothomb d'être avec nous. Merci pour cette à vous, première Stéphane. Émission. Ça fait des années que votre première émission, c'est vous êtes obligé de me voir. Voilà. Mais c'est mon plus grand plaisir. Alors, écoutez, un plaisir vraiment partagé. Alors je suis content de retrouver les autres aussi. Évidemment. Vous avez l'air dégoûté. Dites-le d'un ton plus joyeux. Oui, mais je suis très heureux de vous retrouver. Ah, voilà. On va y croire. Je suis surtout heureux. Vous retrouvez les auditeurs, ils nous ont manqué quand même. Alors, à la une de ce premier numéro de l'année, Cyprien Sini. Cyprien, bravo. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Cyprien, vous êtes parti tout l'été à la chasse aux Pokémon. Oui, c'était une belle aventure. Oui, vous en avez trouvé? J'en ai trouvé pas mal et surtout le problème c'est qu'on pensait que ça s'arrêterait un peu à la rentrée. Et là ça continue de plus belle avec des histoires pas possibles. Ah, si, je croyais que ça s'effondrait. Ah bah justement, c'est ce que j'ai cru aussi, mais... jusqu'à ce que je vois quelque chose cette semaine qui... dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y en a dans le studio, on a un peu peur. Il y en a peut-être. Espèce de Pokémon, vous.